fume, je vois, j'ai tous les vices. Et j'ai du poil partout sur les cuisses. Je vous déteste, je vous maudis, je suis complètement pourri. Quand je vois la petite fille, je lui fous une claque. Quand je vois l'ancien, je vide son sac. Je crache, je rôde, rien ne m'arrête. Car aujourd'hui, c'est la fête. Et c'est le bûcher gros Marco. Le bûcher gros Marco. Alors à ceux qui ne m'aiment pas, horreur, malheur. Oui, oui, oui, mon cœur est en fer, horreur. Je fais l'amour comme un loup-garou. Mes amants, je les écorche vif. Et je les fouette, je leur coupe le pif. J'ai des trucs cochons avec des chaînes. Au simple villageois, pour chassant le petit cupidon. Le démon du sexe m'habite. Venez là, mes petits amis. Car c'est la fête aujourd'hui. C'est le bûcher gros Marco. Le bûcher gros Marco. Ah, malheur. Le bûcher gros Marco. Le bûcher gros Marco. Oui, je suis gros Marco. Ah, je suis vieux, je suis moche, je suis mégère. Ah, malheur. Oui, oui, oui, de griffes et de crocs. Je viens faire mal au Salvateur. Je vais pourrir les mains de voleurs. Je mange des corbeaux, des chiens tout poilus. Je fais des potions pour séduire capitaine. Puis je le bouffe quand il dort. Dans ma tanière, c'est l'épouvante. Il y a des bestioles dégoulinantes. Ce soir, je fais le bouc émissaire. Car c'est la fête aujourd'hui. C'est le bûcher gros Marco. Le bûcher gros Marco. Le bûcher gros Marco. Horreur, malheur. Le bûcher gros Marco. Le bûcher gros Marco. Le bûcher gros Marco. Le bûcher gros Marco. C'est le bûcher gros Marco.